Chapitre 5e. Pendant 6 à 7 ans que Madame de Maintenon exerça à la cour les fonctions de gouvernante, ses querelles et ses raccommodements avec Madame de Montespan ne cessèrent pas. « C'est une chose étrange, disait Madame de Maintenon, que nous ne puissions vivre ensemble et que nous ne puissions nous séparer. Je l'aime et ne puis me persuader qu'elle me haïsse. Ce qui n'est pas moins étrange, c'est que quand l'humeur de Madame de Montespan était calme, elle prenait fort bien les réflexions morales et les pieuses remontrances que lui faisait amicalement Madame de Maintenon. L'exemple et les sages paroles de celle-ci lui étaient comme un remords continuel. « Venez me voir, » lui écrivit-elle un jour, « mais surtout, ne promenez pas sur moi ces grands yeux noirs qui m'effraient. » Au mois de mai 1675, Madame de Maintenon partit pour Barège, où elle conduisit le duc du Maine. Pendant ce voyage, elle entra en correspondance directe avec le roi, et l'on dit que ce fut cette correspondance qui acheva de lui gagner entièrement la confiance et l'estime du monarque. Madame de Maintenon demeura près de 3 mois à Barège, qui était alors un lieu presque inconnu et fréquenté par les seuls paysans des alentours. Ce fut le médecin Fagon qui, dans ses excursions dans les Pyrénées, le découvrit en quelque sorte, en reconnut l'importance et l'indiqua à Madame de Maintenon, qui en fit ensuite la réputation et la fortune. Ce fut aussi l'origine de la fortune de Fagon, un des bons et des beaux esprits de l'Europe, grand botaniste, grand chimiste, habile connaisseur en chirurgie, excellent médecin et bon praticien, aimant la vertu, l'honneur, la science, le mérite. Madame de Maintenon l'eut bientôt apprécié et le fit nommer médecin des enfants du roi. Plus tard, en 1680, médecin de Madame la Dauphine et des enfants de France, et en 1693, premier médecin du roi. Fagon resta toujours profondément attaché à Madame de Maintenon et se montra, jusqu'à la fin de sa vie, plein de respect pour elle. Les eaux de Barège n'ayant pas produit d'aussi bons effets qu'en avait espéré Fagon, il conseilla de mener le jeune prince à celle de Bagnères, qui parurent le fortifier enfin, et il commença à marcher. « Quoique ce ne soit pas encore bien vigoureusement, écrivait Madame de Maintenon à son frère, il y a lieu d'espérer que bientôt il marchera comme vous. Vous ne savez pas toute la tendresse que j'ai pour lui, mais vous en connaissez assez pour ne pas douter que cet heureux succès de mon voyage ne me fasse un grand plaisir. » Elle se remit en route au commencement d'octobre pour retourner à Versailles. Elle passa par le Poitou, berceau de sa famille. Elle alla voir la prison de Niort où elle était née, le couvent des Ursulines, où on l'avait élevée par charité, et repassant dans son esprit tant de vicissitudes éprouvées depuis sa naissance, elle admirait les vues de la Providence qui l'avait tirée si heureusement de positions si pénibles. Cependant, elle ne pressentait encore en aucune manière sa future grandeur. Elle revit aussi M. et Mme de Villette et ses autres parents, passa 3 jours à Mursay et 1 jour à Surino. Madame de Maintenon revenait à la cour plus confiante dans la bienveillance du roi, plus protégée par la même contre les boutades de Madame de Montespan. Et à la cour, on fut frappé des progrès qu'elle avait faits dans l'esprit du monarque. Ses projets de retraite n'étaient pas pour cela abandonnés. Madame de Maintenon, que ce commencement de prospérité n'enivrait pas, les nourrissait toujours dans son esprit et continuait d'en parler, quoique moins souvent, à l'abbé Gobelin. Elle lui écrit à la fin de juin 1676 « Je désire plus ardemment que jamais être hors d'ici, et je me confirme de plus en plus dans l'opinion que je n'y puis servir Dieu. » Elle ajoute un peu plus loin « Je suis à merveille avec Madame de Montespan, et je me sers de ce temps-là pour lui faire entendre que je veux me retirer. » Elle répond peu à ses propositions. Il faudra voir à ce que nous en ferons à son retour. Elle était aux eaux de Bourbon. Demandez à Dieu, je vous en conjure, qu'il conduise et rectifie mes desseins pour sa gloire et pour son salut. L'année suivante, on eut l'idée de faire une histoire par les médailles des principaux événements du règne de Louis XIV. Ce projet, dit Louis Racine, dans les mémoires sur la vie de son père, se changea bientôt en une histoire suivie du règne entier. Ce fut Madame de Maintenon qui proposa au roi de charger du soin d'écrire cette histoire « Boileau et mon père, Jean Racine ». Le roi, qui les en jugea capables, les nomma ses historiographes en 1677. Vers la fin de 1679, un événement important pour Madame de Maintenon va mettre un terme à toutes ses brouilleries et serra commodément entre elle et Madame de Montespan. Monsieur le Dauphin allait épouser la fille de l'électeur de Bavière. À la formation de la maison de la nouvelle Dauphine, le roi nomma Madame de Maintenon seconde dame d'atour de cette princesse. Madame de Maintenon sortait ainsi tout à fait d'esclavage. En entrant chez Madame la Dauphine, elle n'avait plus rien de commun avec Madame de Montespan. Sa nouvelle position la détermina enfin à rester à la cour. « Malgré l'envie que j'avais de me retirer, écrit-elle à l'abbé Gobelin, et malgré toute ma haine pour ce pays-ci, j'y suis attachée. C'est Dieu qui a conduit tout cela. » En effet, Madame de Maintenon croyait qu'elle avait reçu mission d'en haut pour travailler à une réforme dans la conduite du roi. « Quand je commençais, disait-elle dans ses entretiens, à voir qu'il ne me serait peut-être pas impossible d'être utile au salut du roi, je commençais aussi à être convaincu que Dieu ne m'avait amené à la cour que pour cela, et je bornais là toutes mes vues. » Madame de Montespan, de son côté, commença à mieux comprendre ses devoirs, et la religion, dont elle n'avait déserté ni les sentiments ni les habitudes, vint à son secours. Elle se retira peu à peu de la cour pour vivre dans la retraite, uniquement occupée de son salut. Quant à Madame de Maintenon, la faveur dont elle jouissait, et qui lui attirait l'envie et les hommages, ne l'éblouissait pas. Sa grande supériorité consista toujours à n'en pas être un seul instant enivré, ni à ses débuts, ni au plus haut degré de sa fortune. « Ne parlez de ma faveur ni en bien ni en mal, » écrit-elle au comte d'Aubigné, son frère. « Et du reste, ne vous fâchez point. On est enragé contre moi, et comme vous le dites, on se prend à tout pour me nuire. Si on n'y réussit pas, nous nous en moquerons. Si on y réussit, nous le souffrirons avec courage. Vous êtes déraisonnable de vouloir que je demande au roi, dans un ton où il m'accable de bien et d'honneur. Je ne lui demanderai jamais rien, et je ne songe plus qu'à le servir en la personne de ma maîtresse, la Dauphine, avec un zèle, une fidélité et une assiduité qui lui marquent ma reconnaissance. » Ce comte d'Aubigné, en effet, dont nous n'avons pas parlé encore, demandait toujours. Dépensier, joueur, toujours besogneux, ayant des ridicules et des travers, mais avec de l'esprit et des réparties inattendues, il ne comprenait pas que l'estime royale dont jouissait sa sœur ne lui profitât pas davantage. N'ayant jamais été que capitaine d'infanterie et gouverneur de petites places, il rappelait toujours ses vieilles guerres comme un homme qui méritait tout, et faisait à sa sœur des sorties épouvantables de ce qu'on ne nommait pas duc et pair ou maréchal de France. Un homme de cette humeur, inconsidéré dans ses propos, était un embarras pour elle bien plus qu'un soutien et un ami. Elle n'en fut pas cependant moins affectueuse et indulgente pour lui, constamment occupée de ses intérêts, venant de temps en temps au secours de sa pénurie en lui procurant quelques gratifications. « Songez, mon cher frère, lui écrit-elle, au voyage d'Amérique, au malheur de notre père, au malheur de notre enfance, à ceux de notre jeunesse, et vous bénirez la Providence au lieu de murmurer contre la fortune. Il y a 10 ans que nous étions bien éloignés l'un de l'autre du point où nous sommes aujourd'hui. Nos espérances étaient si peu de choses que nous bornions nos vœux à 3 000 livres de rente. Nous en avons à présent 4 fois plus, et nos vœux ne seraient pas remplis. Nous avons le nécessaire et le commode. Tout le reste n'est que cupidité, et tous ces désirs de grandeur partent d'un cœur inquiet. Toutes vos dettes sont payées, vous pouvez vivre délicieusement sans en faire de nouvelles. Que désirez-vous de plus? Je vous le répète, vous n'êtes malheureux que par votre faute. Vos inquiétudes détruisent votre santé, que vous devriez conserver, quand ce ne serait que parce que je vous aime. Travaillez sur votre humeur. Si vous pouvez la rendre moins bilieuse et moins sombre, ce sera un grand point de gagné. Écrivez-moi plus souvent, et sur un ton moins lugubre. Ce comte d'Aubigné n'eut qu'une fille, que Madame de Maintenon éleva comme la sienne propre, auprès d'elle et à Saint-Cyr, et qui épousa le comte d'Ayen, fils du maréchal de Noailles. C'est de ce mariage que descend la famille de Noailles, qui existe encore aujourd'hui. Louis XIV touchait à l'âge où l'on fait un retour sur le passé et sur soi-même, passage difficile, où se dessine en quelque sorte une seconde existence, et plus aisé à franchir quand la religion nous tend la main. C'est dans ce moment que le caractère et la vertu de Madame de Maintenon lui rendirent un véritable service. Elle se trouva heureusement là pour remplir le vide d'un cœur et d'un esprit qui avaient besoin d'être occupés. elle offrit au roi le charme de l'intimité et de la confiance, l'agrément de la conversation, de l'esprit, de la raison, plaisir dont on sent le prix lors de l'apaisement des passions tumultueuses. Faisant intervenir l'empire de la religion, elle se servit des sentiments qu'elle inspirait pour amener le monarque dans la voie édifiante du devoir conjugal et obtenir qu'il reportât vers la reine des soins qui n'étaient dus qu'à elle. C'était sans doute fonder son crédit sur une base bien solide, mais c'était aussi en faire un noble usage et le mettre à l'abri de tout reproche. Dès ce moment, en effet, le roi se rapprocha de la reine, la vit plus souvent, et commença de passer les soirées chez elle. Il eut pour elle des attentions auxquelles elle n'était pas accoutumée, et comme elle attribuait cet heureux changement à Madame de Maintenon, elle l'aimait et lui donnait toutes les marques de considération qu'elle pouvait imaginer. « Le triomphe de Madame de Maintenon, dit M. Roederer dans l'histoire de la société polie, ne fut pas de s'élever au rang de femme légitime d'un roi puissant. Ce fut d'avoir amené ce prince à ses devoirs envers la reine et d'avoir mis fin à la contagion de son exemple. Voilà le véritable titre de Madame de Maintenon au respect général. Là, sa vertu éclate avec tous ses autres mérites. Là, nul soupçon d'intérêt personnel ne peut l'atteindre. » Madame de Maintenon jouissait de son ouvrage, et rien ne lui était plus sensible que les témoignages de satisfaction et même de reconnaissance que la reine lui donnait. À Chambord, le jour de la Saint-François, fête de Madame de Maintenon, la reine lui fit présent de son portrait, et à cette occasion, Madame de Maintenon écrit à Madame de Saint-Géran : « La famille royale vit dans une union tout à fait édifiante. Le roi s'entretient des heures entières avec la reine. Le don qu'elle m'a fait de son portrait est tout ce qu'il y a de plus agréable pour moi depuis que je suis à la cour. » Madame de Maintenon se partageait entre une sorte de vie solitaire qu'elle s'était créée au milieu de la cour, les devoirs de sa charge auprès de Madame la Dauphine, la société de la famille royale, et les soins qu'elle donnait à un établissement qu'elle venait de fonder à Ruel, et qui fut l'origine de celui de Saint-Cyr. Elle allait aussi, mais pour de courts moments, à Maintenon, où elle faisait des charités et des fondations utiles, travaillait à quelque embellissement, et recevait quelques amis. Pour la première fois, vers cette époque, on lit dans une lettre à son frère « Je suis heureuse ». La reine, cependant, ne jouit pas longtemps du bonheur dont elle goûtait à peine les prémices. Elle perdit la vie lorsque les sentiments du roi commençaient à la lui rendre douce. Au retour d'un voyage de la cour en Bourgogne et en Alsace, elle tomba malade et expira le troisième jour de sa maladie. Le roi donna à sa mort des regrets sincères et dit, les larmes aux yeux, quand elle rendit le dernier soupir, « Voilà le premier chagrin qu'elle m'ait causé. » La reine ayant expiré, Madame de Maintenon, qui n'avait pas cessé de rester auprès d'elle, revint auprès de Madame la Dauphine, qu'elle suivit à Fontainebleau peu de jours après, avec le roi et toute la cour.